Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Classer les choses, penser les hommes. Une série de Laetitia Druard, réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a les boîtes où l'on range nos lettres. Les vieux papiers dans le grenier, les photos dans la vieille boîte à gâteaux et ces vieux agendas de nos grands-parents ou cette vieille liste de courses que l'on n'a jamais relue mais jamais jetée non plus. Il y a aussi ces tiroirs de bois bien vernis et ces petites fiches cartonnées dont l'encre a pâli et qui sont encore les signes particuliers de certaines bibliothèques. Et puis il y a ces herbiers avortés, ces vieilles collections de coquillages ou cette inquiétude de ne jamais pouvoir retenir le nom de tous les arbres. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que si c'est rassurant de tout bien ranger, tout bien classer, tout bien trier, ça peut aussi devenir carrément effrayant. Alors pour commencer, les personnages. Des chercheurs aux aguets, des décrypteurs de réseaux sociaux, des stockeurs de données, des spécialistes du comportement, un historien de la police, un autre des archives, des citoyens fichés, des juifs piégés, un sociologue et des conservateurs qui aiment leurs archives. Ensuite, le décor. La Seine-Saint-Denis, des entreprises de sauvegarde des données, des disques durs gigantesques, des réseaux qui nous espionnent, Facebook, Instagram, le passé de la police et toujours le passé qui ne passe pas. Aujourd'hui, troisième épisode, on commence par se souvenir d'une vieille série. Qui êtes-vous ? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1 ? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Des vies dans des serveurs et des noms sur des fiches. Épisode 3, tous fichés. Peut-être que la première chose qu'il faudrait dire, c'est que d'une certaine manière, des données, c'est pas nouveau. Les États nationaux, notamment les grandes administrations, les grands systèmes administratifs se sont constitués. Dominique Cardon, sociologue. À la fin du XVIIIe, surtout pendant le XIXe siècle, se sont constitués autour de la statistique nationale. L'État doit connaître sa population. Le gouvernement doit connaître la mortalité, la morbidité, la criminalité. Et la connaissance des populations a fabriqué, d'une certaine manière, énormément d'institutions, de processus administratifs, de fabrication aussi des sujets. Le sujet national qui s'identifie par sa carte de citoyen, par sa profession dans sa branche professionnelle, par un certain nombre de catégories qui vont lui être associées, fait que d'une certaine manière, l'appareil de l'État, l'appareil statistique et l'apparition des données sont venus ensemble. Bon, alors simplement, ce que change évidemment le numérique, c'est qu'on a des données qui s'enregistrent tout le temps. L'identification, si vous voulez, c'est une question qui relève quasiment de l'épistémologie, finalement. Qu'est-ce qui fait mon identité, la vôtre? Qu'est-ce qui fait que je suis différent de vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et que personne ne vous ressemble en réalité? Et donc ça, c'est une question qui a traversé les siècles, mais qui surtout a obsédé le 19e siècle et la fin du 19e siècle. Vous savez, cette période où tout est envahi par le scientisme. On a l'illusion que la science, permettra de tout résoudre, y compris l'insécurité, y compris le crime. Jean-Marc Berléer, je suis professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'études sociologiques pour le droit et les institutions pénales. Donc le législateur, les magistrats, les pénalistes se sont rendus compte qu'il fallait distinguer le criminel d'habitude du criminel du récidiviste. Et donc on met en place des peines très différentes. Le seul problème, c'est comment identifier sous des identités différentes, dans des lieux différents, sur des événements différents, un même criminel. Et donc, c'est à partir de là que, si vous voulez, il y a eu toute une réflexion sur l'identité, sur l'identification. Mais il se passe à peu près la même chose et la même réflexion, aussi bien en Allemagne, à Berlin, avec Gross, aussi bien en Italie avec Otto Lenghi, aussi bien en Belgique avec Stokis, aussi bien en Suisse avec Rodolphe Archibald Reiss, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de distinguer un individu d'un autre ? Et on a mis, dès cette époque, au point tout un tas de méthodes. On a eu l'idée d'utiliser la photographie, par exemple, très vite. Hein. Alors, ce sont de très grands photographes de l'époque, hein, c'est Nadar et ses collègues, qui viennent, par exemple, à la préfecture de police, photographier les prévenus. Alors, on a conservé ces photos, elles sont fascinantes, hein, parce que ce sont des photos d'art. C'est-à-dire, je vous mets au défi de reconnaître le même personnage photographié par deux photographes différents ou à deux moments différents. Ce sont des poses artistiques, hein, souvent au bord d'une fenêtre, à cause de la nécessité d'avoir de la lumière et tout, mais ça ne permet en aucun cas d'identifier même le même personnage photographié par deux photographes. Et on rédige à ce moment-là des fiches, hein, bien sûr, il y en a des centaines de milliers, il y en a jusqu'à 1 million, et qui sont classés par des commis aux écritures. Alors vous savez que des signalements du genre visage ovale, yeux marrons, enfin qui c'est taille moyenne, alors absolument inutile et inutilisable, plus une photographie qui ne permet en aucun cas d'identifier les gens. Et c'est à partir de ce travail inutile qu'un des commis aux écritures, qui était Alphonse Bertillon, va imaginer qu'il faut un système pour reconnaître les gens. Et le système qu'il va imaginer, c'est l'identité anthropométrique, c'est-à-dire l'identité des mesures osseuses, hein, du squelette humain, des États-Unis à l'Allemagne. On conseille, en fait, on donne l'avis qu'il faut que partout on utilise l'anthropométrie, ce qu'on va faire dans les prisons américaines, etc., etc. En 1889, je disais, c'est le triomphe de Bertillon et qu'on va continuer de faire des fiches anthropométriques pendant pratiquement un siècle, enfin j'exagère, mais 80 ans, alors que ça ne sert strictement à rien, pour une raison toute simple, hein. Comme le disait avec beaucoup d'ironie à l'époque un policier, c'est que si un cambrioleur, un assassin, laisse des empreintes sur les lieux du crime, il ne laisse jamais ses mesures osseuses. Mais ce qui est évidemment fascinant, c'est que il ne cesse d'améliorer sa méthode, hein, avec la photographie judiciaire, c'est-à-dire, vous savez, cette photographie de face et de profil, hein, toujours à la même échelle, prise dans des conditions similaires d'éclairage, objectives, qui est un outil qu'on utilise encore, parce que on ne peut pas tricher, même si on vieillit, même si on sait se pousser la moustache, tout ce que vous voulez, il y a des choses qui sont immuables. L'implantation des cheveux, l'arcature des sourcils, le profil que vous pouvez superposer, quel que soit pratiquement l'âge de la personne. Et puis ce marqueur identitaire extraordinaire qu'est l'oreille. Nous n'avons pas, personne n'a la même oreille. Donc il n'a cessé d'améliorer ce qu'on appelle la fiche parisienne, c'est-à-dire ces fiches, vous savez, qu'on multiplie sur tous les prévenus. Et donc en même temps que Bertillon mettait en œuvre et affinait sa méthode anthropométrique, on s'est retrouvé avec des recherches qui viennent de l'Empire britannique. Hein. Faut jamais imaginer que la France est la seule soucieuse d'identifier des gens, et qui est l'invention de la dactyloscopie, c'est-à-dire ces petits dessins que nous avons tous à l'extrémité de nos doigts et de nos pieds, qui sont différents donc d'un doigt à l'autre, d'une main à l'autre, d'un individu à l'autre, et qui permettent effectivement d'assumer et de conclure à l'identité absolue. Vos empreintes, donc c'est des empreintes digitales, hein ? Non, c'est un flux sanguin. Ce n'est pas des empreintes digitales, c'est juste un flux sanguin qui est unique, en fait. Et en fait, il est reconnu, en fait, par cette plateforme. L'avantage, c'est qu'on ne garde pas d'empreintes digitales directement dans nos données, en conformité notamment avec la CNIL. Mais on permet, en fait, de sécuriser un peu plus l'accès. Si vous vouliez couper mon bras, par exemple, et même si vous le coupiez, vous ne pourriez pas rentrer avec mon bras dans l'espace, parce qu'il n'y aura plus de sang. Voilà. Je me prénomme Mokran Lamari. Je suis en charge de l'ingénierie avant-vente pour Equinix en France et en Italie. En fait, tous les accès, toute personne qui doit accéder au data center doit être contrôlée au minimum 7 à 8 fois pour accéder en fait aux salles qui hébergent les données. Ça va se matérialiser par une reconnaissance biométrique, donc reconnaissance de l'influx sanguin, avec une reconnaissance aussi, vous voyez, il y a à peu près 200 caméras qui contrôlent l'intégralité du data center en périmétrique et sur les accès, avec une reconnaissance intelligente qui permet de lister toute personne. Donc la sécurité est une part importante de notre métier, parce que ces data sont vraiment critiques et stratégiques pour l'ensemble des entreprises. Et là, on se trouve dans le data center de Pantin, sur lequel aujourd'hui on a une vingtaine de milliers de mètres carrés de surface technique où on héberge l'ensemble des infrastructures de nos clients. Il y a 20 ans, on hébergeait, on va dire, 100 mégas, 1 giga dans un serveur. Aujourd'hui, c'est des terras de données, donc 10 puissance 9, 10 puissance 12, de données dans un serveur. Et vous imaginez 20 000 mètres carrés présents dans ce bâtiment, c'est pour moi inquantifiable. Equinix France, aujourd'hui, en France, c'est 8 data centers à peu près de cette taille-là, principalement émergés en région parisienne. C'est dans le monde de mémoire, parce que le chiffre évolue tout le temps, à peu près 180 data centers dans le monde. Et effectivement, aujourd'hui, on a une croissance forte parce que les données, les besoins augmentent d'année en année. La transformation digitale arrive dans tous les secteurs de métiers. Tout est interconnecté. Ça demande des données, des volumes de données supplémentaires qui croient. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a besoin aujourd'hui d'étendre nos empreintes pour poursuivre, on va dire, cette innovation technologique. Clairement, aujourd'hui, le monde est interconnecté et demande de plus en plus de bandes passantes, de transit entre les pays, entre les régions, entre les continents. Il y a beaucoup de vases communicants avec les pays émergents, notamment, qui ont une croissance très forte en Asie, en Afrique du Sud aussi, qui ont besoin de se raccorder à nos marchés, à nos entreprises. Donc c'est vrai que voilà, il y a une interdépendance, une interconnexion de plus en plus forte. Les outils digitaux permettent comme ça une sorte d'enregistrement continu de toutes les traces. Et ces traces font qu'elles sont incroyablement variées. Je m'appelle Dominique Cardon, je suis professeur de sociologie à Sciences Po et je dirige le Media Lab, qui est un des laboratoires de recherche de Sciences Po. Sa spécificité, c'est de faire le pari que l'instrument nécessaire, enfin un des instruments importants pour étudier et comprendre nos sociétés aujourd'hui, c'est de passer par le numérique. Les données numériques, c'est de plus en plus des sortes de choses qui ont un statut très incertain parce que ça ne ressemble pas à de la connaissance ou à des informations, mais ce sont des traces. Un avion qui décolle, ça remplit un serveur de données, d'enregistrements techniques divers et variés, de l'ensemble des appareils qui constituent l'avion. Et tout d'un coup, on a voilà, des gigaoctets de données qui sont constituées. Du fait de l'entrée des objets numériques dans nos vies, et quand on dit dans nos vies, c'est qu'ils sont là juste à côté de nous, là sur la table, ce qu'on fait, où on est, à quelle vitesse on marche, comment on dort, ou on dort mal en se réveillant, la température du jour, et puis toutes les actions qu'on peut faire sur ces objets, deviennent des traces enregistrables et nourrissent ces énormes serveurs qui nous entourent de plus en plus et qui constituent en fait d'une certaine manière une sorte d'arrière-scène ou de coulisses de nos vies, maintenant de plus en plus présents et de plus en plus aussi, il faut le dire, complètement invisibles à notre esprit. Mais derrière nous, derrière notre rencontre, derrière les appareils que vous avez là autour de vous, on remplit aussi des fichiers, des bases de données. Nous vivons des situations multiples et variées, mais que cette situation, elle a une reproduction étrange, complètement déformée et nouvelle, mais qui est dans ces serveurs de données, n'est pas du tout présent dans nos consciences. C'est-à-dire l'idée que nous sommes à la fois là et dans le serveur. Alors, Ici, on se trouve dans une salle technique, ce qu'on appelle vulgairement une salle blanche, où vous allez retrouver l'ensemble des infrastructures des clients, donc des baies communément avec des serveurs, des unités de calcul, des unités de stockage où vont être hébergées les données et les réseaux de l'ensemble des entreprises présentes sur nos sites. Et vous retrouvez aussi en aérien, comme vous le voyez, ces cheminements jaunes, rouges, gris, qui vont être en fait les interconnexions fibre optique. Ces sites-là sont interconnectés aux principales grandes villes mondiales. Ce qu'on entend si fort, c'est les unités de climatisation. Les serveurs ont besoin de conditions très optimales en termes d'électricité, de température et d'humidité. Ce qu'on entend derrière, ce sont les ventilateurs qui poussent sans arrêt de l'air froid en faux plancher, qui vont permettre d'avoir une température stable à une vingtaine de degrés et 50% d'humidité. Et ça doit être stable jour, nuit, week-end, toute l'année. Peu importe la température extérieure, peu importe les conditions climatiques, peu importe la disponibilité électrique des centrales, aujourd'hui, nous, on doit apporter justement ces conditions optimales et stables toute l'année. Aujourd'hui, la donnée transite en fonction de l'application, en fonction du marché, en fonction de l'entreprise. Vous avez un compte Facebook, vous avez un compte Hotmail. Ces données transitent par les data centers où on va retrouver l'ensemble effectivement de vos données. Et c'est pour ça que, comme vous le voyez, la sécurité est optimale parce qu'il y a un côté stratégique et critique et très personnel aussi des données qui peuvent transiter. L'ensemble des données des serveurs et des data sont en fait répliqués un peu partout dans plusieurs données, plusieurs sites, plusieurs équipements. Donc même si j'ai envie de dire on perd un équipement, c'est pas grave. La mémoire, la donnée se trouve peut-être dans une centaine d'autres serveurs en même temps. Aujourd'hui, tout se fait en ce qu'on appelle dans notre jargon en réplication synchrone, c'est-à-dire que la donnée que vous mettez à un endroit, elle est sur peut-être 100 serveurs en même temps et partout dans le monde. Paper. À plus tard. L'identité numérique, il faudrait que les sujets puissent la comprendre comme étant quelque chose qui est un reflet de ce qu'ils se définissent à eux-mêmes comme étant leur personnalité, leurs caractéristiques, leurs éléments. Alors, dans les débats sur le numérique, ce qu'on appelle l'identité numérique, c'est la plupart du temps, c'est le fait que, du fait de l'accessibilité d'outils expressifs qui sont venus dans l'histoire du web avec le wiki, le blog, puis les réseaux sociaux, nous pouvons nous exprimer sans être contrôlés préalablement par des journalistes, des éditeurs qui décident de publier, et que nous publions nous-mêmes, et que dans ce travail de publication de nous-mêmes, ou de fabrication de nous-mêmes, nous collectons et organisons un ensemble de signaux sur nous que nous mettons sur notre fiche de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, de Pinterest et des autres sites de réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on entend d'habitude par l'identité numérique. Mais c'est vrai qu'il y a une autre identité numérique qui est une sorte d'ombre de cette fabrication-là, de cette fabrication expressive des sujets, mais qui est une identité qui est d'une certaine manière extraite ou capturée des individus, qui est l'ensemble de leurs traces, de leurs gestes, de leurs déplacements, de leur consommation dans les supermarchés, de leur compte bancaire, des billets d'avion et de train, etc., qui donne une autre figure de l'individu qui ne se représentera jamais comme étant son identité, mais qui évidemment est un moyen de calculer un certain nombre de possibilités qui relèvent de ses gestes, de ses comportements, éventuellement de ses représentations, de ses désirs, de ses projets. Aujourd'hui, et là, je ne parle que pour les services du web, hein, Google, Amazon, Facebook, les GAFA. En fait, votre nom propre ne les intéresse pas du tout. Hein. Et donc, vous n'êtes pas une fiche, vous êtes, parce que généralement, ils anonymisent hein, ces choses-là. Donc, vous êtes on appelle ça un H. Hein, donc, c'est un grand numéro avec des lettres et des chiffres qui est très, très long. Et puis, vous êtes moins défini par des catégories qui étaient les catégories assez classiques, en fait, hein, du fichage traditionnel de la statistique sociale, qui était de savoir votre sexe, votre âge, votre profession, votre niveau de revenu, votre ville, et des éléments de connaissance fine, d'une certaine manière, de la structure de l'identité des personnes. Ce qui est fascinant, c'est que D'une certaine manière, le modèle de la fiche d'identité, il essayait de dire que la fiche était un bon équivalent d'une structure permanente de la personne, qu'on pouvait durablement connaître et enregistrer dans les services administratifs adaptés. La tendance, aujourd'hui, dans les mondes numériques, c'est de dire que les individus sont volatiles, que cette permanence des catégories est très très instable, que d'une certaine manière, ce qui va compter pour attraper l'individu, pour lui recommander des choses, pour lui classer de l'information, pour lui mettre de la publicité, pour le guider dans une trajectoire sur une route, c'est pas de connaître ces grandes catégories, sexe, âge, profession, niveau de revenu, niveau de diplôme, c'est de connaître des traces de comportement. Et d'une certaine manière, ce qui est nouveau, c'est que ce qui est enregistré, ce sont des micro-comportements. Il a été là, il a cliqué sur ce site, il a pas bien dormi cette nuit, il a téléphoné à sa sœur, il a écouté tel ou tel type de musique. C'est ces traces de comportement qui dessinent, d'une certaine manière, une nouvelle forme. Mais j'ai peine à dire de l'individu. Gilles Deleuze disait du dividu. Et c'est exactement ça, Deleuze, qui essaye de dire qu'on passe d'une société de surveillance à une société de contrôle. Et qui, d'une certaine manière, a compris ça d'une transformation. Aujourd'hui, on dirait, Deleuze dit pas comme ça, mais d'une transformation comportementale de l'enregistrement anciennement catégoriel des sujets. Hein, on a été des catégories, maintenant nous sommes des comportements. Et finalement, on avait des sociétés qui étaient, je le dis entre guillemets parce qu'il faut pas caricaturer, elles étaient plus stables. Les gens restaient dans la même profession, les mobilités géographiques étaient plus faibles, les transformations et reconfigurations de l'espace familial étaient moins importantes, la structuration du réseau des connaissances et des amitiés était moins diverse et variée. Donc il y avait une sorte de stabilité de la société, et d'une certaine manière, bien photographiée en une fois autour de bonnes catégories, on pouvait mettre dans une fiche une sorte de profil de l'individu. Avec l'individualisation de nos sociétés, avec tous les dispositifs d'excitation du sujet contemporain pour bouger, changer, diversifier ses connaissances, ses informations, avec l'augmentation incroyable de l'offre d'opportunités qui nous est faite pour voyager, pour connaître des gens, pour etc., les individus tiennent plus dans les cases qui avaient été définies. Et c'est parce qu'ils tiennent plus dans les cases que, d'une certaine manière, les big data, enfin, les cherchent à capturer les gens dans leur comportement plutôt que dans ces définitions stables de l'individu, parce que d'une certaine manière, ces définitions sont beaucoup trop moyennes, écrasantes, et finalement elles calculent, de leur point de vue utilitariste, elles calculent très mal. Et donc, pour mieux calculer, disent-ils, et pour rendre un meilleur service à l'utilisateur, disent-ils, eh bien il faut descendre dans ce grain fin des comportements pour arriver à faire une sorte de prédiction sur le comportement à venir qui soit plus performante et plus utile. Ce livre, je sais ce que c'est. Comme nous sommes arrivés de Nueva York, il y avait un monsieur avec nous qui écrivait des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ici, ils vivent dans des quartiers maudits. Ils finissent par se tuer. Parfois, je le sais, Alpha 60 les utilise. Contrôle des habitants, comment ça? Oui, parce que ce sont des gens qui écrivent des choses incompréhensibles. Moi, je sais maintenant. Autrefois, ça s'appelait de la poésie. On croit que c'est des secrets, et finalement, ce n'est rien. Alors, quand le contrôle a une heure du livre dans son programme, il enregistre des trucs comme ça. Il les classe. Il le codifie, comme tout le reste, on ne sait jamais. Évidemment, ça peut toujours servir. Absolument, nous sommes très organisés. Je voudrais partir avec vous dans les pays extérieurs. Mais j'ai peur. Je vais vous faire faire un tour dans notre lab, qui est donc l'endroit où on fait de la R&D, on développe des produits autour de l'exploitation des données, pas seulement des données clients, hein, mais les données issues de systèmes industriels, de machines, pour construire des algorithmes prédictifs à l'aide de ces données. Alors on accède à tous les étages par des badges. Oui, absolument. Vous allez voir un espace qui est encore plus sécurisé, qui est notre espace qu'on appelle cyber, où sont faits tous les travaux autour de la cybersécurité, tests d'intrusion, veille sur les nouvelles techniques de craquage de systèmes informatiques. Et cet espace est aussi l'espace dans lequel on héberge un certain nombre d'applications pour le compte de nos clients dans un environnement hyper sécurisé. Moi, je suis Arnaud Laroche. Je suis associé au sein d'une société qui s'appelle EY, qui est une société spécialisée dans l'audit et le conseil. Nous sommes ici dans la tour First de La Défense, qui est une des premières tours construites à La Défense. Et vous êtes ici au 12e étage de cette tour, dans nos bureaux qu'on appelle les working floors. Donc vous êtes ici dans les espaces de travail de nos consultants. Imaginons une situation où vous observez, et pardon de l'exemple un peu trivial, mais je pense qu'elle mérite de marquer les esprits, où vous observez que chaque nuit, la lumière chez telle personne s'allume et s'éteint 3, 4, 5 fois par nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si je suis un peu trivial, vous avez peut-être dans cette maison quelqu'un qui a éventuellement des problèmes de prostate. Et donc, pourquoi je vous prends cet exemple un peu trivial? C'est parce qu'on voit qu'il permet de faire le lien entre une information qui n'a rien à voir avec la question médicale, le fait d'allumer et d'éteindre sa lumière plusieurs fois par nuit, et à la fin, une question qui permet d'éveiller le soupçon sur un éventuel problème médical. Pas à tout coup, mais avec un certain niveau de probabilité. Et donc, on voit bien qu'en rapprochant des données très physiques et très loin de la personne, avec des éléments de contextualisation et en particulier grâce à l'intelligence artificielle, on est peut-être capable d'en déduire des enseignements sur des choses qui sont très très éloignées de ça. Et de monétiser, pourquoi pas, cette information auprès de, qui sais-je, une assurance, un laboratoire pharmaceutique. Voilà. C'est le principe de l'intelligence artificielle. Comment ça marche, l'intelligence artificielle? Vous lui faites passer de l'information et vous lui dites « cette information est de tel type ou de tel type ». Au bout d'un moment, elle apprend à classifier les informations. Et dans un contexte très multidimensionnel, avec beaucoup d'axes de description des informations. Quand vous apprenez à un enfant à reconnaître des animaux, des chiens et des chats, par exemple, vous ne lui dites pas, en général, un chien, ça en général telle taille, telle longueur, tel pelage, une queue, des oreilles. Non, vous faites quoi? Vous lui montrez des animaux, vous lui montrez des imagiers, vous lui montrez des chats, vous lui montrez des chiens. Et puis au bout d'un moment, votre enfant apprend à reconnaître un chat d'un chien. Vous ne lui avez pas décrit le chat et le chien dans toutes ses dimensions parce qu'il y en a trop. L'intelligence artificielle, elle sait très bien faire ça. Vous lui donnez des masses de données importantes et vous lui dites dans cette masse de données, je ne sais pas pourquoi, mais telle situation caractérise tel problème. Typiquement, l'exemple que je vous donne, c'est ça. La clé de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à apprendre en mimant les mécanismes d'apprentissage humains, qui sont des reconnaissances de phénomènes rares ou au contraire très réguliers, et à partir de ça, de reproduire ce fonctionnement-là pour en déduire des décisions. Mais on va progressivement dans ce monde-là où on est de plus en plus en mesure de classifier des comportements ou des situations ou des sociotypes ou des personnes individuelles en fonction de leur comportement, leurs interactions sociales sur les réseaux sociaux, ce qu'elles y disent, leurs interactions commerciales, ce qu'elles achètent, l'intérêt qu'elles portent à tel ou tel contenu. Comme ces informations sont de plus en plus enregistrées, on est capable de classer, de mettre les gens dans des cases d'une certaine manière en fonction de ces comportements grâce à l'intelligence artificielle. Et ces cases sont très utiles d'un point de vue business, pour faire du marketing ciblé, par exemple. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions sur la protection de notre identité, la protection de nos données, bien évidemment. Mais ça pose aussi des questions sur l'organisation de notre société. En mettant les gens dans des cases, on structure une société. Et progressivement, je pense, à travers cette société de plus en plus algorithmique, de construire une société de plus en plus normée, d'une certaine manière. Normée par les algorithmes. Je suis chatouillée aujourd'hui. L'intelligence artificielle, on en parlait, alors c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène. La dernière période à laquelle il était très à la mode, c'était dans les années 80. Puis, ce mouvement s'est éteint parce que les résultats n'étaient pas formidables, parce que la technologie ne permettait pas de faire tourner, d'exploiter des algorithmes compliqués parce que c'était consommateur de puissance de calcul extrêmement chère. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a beaucoup de données, on en manquait, on en a beaucoup. La science a évolué, donc nos algorithmes sont de plus en plus prédictifs. Aujourd'hui, les réseaux de neurones sont en train de devenir ce qu'on appelle l'apprentissage profond, avec une très forte capacité prédictive, reconnaissance d'images, etc. Donc la science a évolué et nous conduit à des algorithmes plus prédictifs. Et la technologie nous permet de nous affranchir d'un problème qu'on avait auparavant, qui était que tout ça coûtait très cher pour faire tous ces algorithmes. Et donc, on est aujourd'hui à un moment où trois facteurs sont réunis. On a de la donnée, on a des algorithmes qui sont beaucoup développés et démocratisés. On est rentré dans un monde open source. Aujourd'hui, tout est partagé. Les algorithmes, vous n'avez plus un article qui sort d'une université qui n'est pas son pendant algorithmique en mode open source disponible sur étagère. Donc évidemment, pour les développeurs d'applications, c'est très facile de s'emparer de ça et de construire des applications. C'est open source. Avant, c'était compliqué, cher, difficile. Et on a la technologie pour faire tourner tout ça. Donc on est à un moment où se rencontrent ces trois éléments-là et génèrent tout ce mouvement. J'ai l'intime conviction que les attentes sont tellement fortes sur le sujet qu'il va y avoir des déceptions, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce que ça permettrait de faire. Donc il va y avoir une certaine forme de retour à la réalité et des déceptions. Mais il y a quand même un mouvement de fond qui est là, qui est très très fort. Et dans tous les compartiments, les relations sociales, les relations commerciales, le diagnostic médical, le déplacement sur les routes, la voiture autonome, elle est bourrée de données d'intelligence artificielle. Pour savoir si elle va à droite, à gauche, c'est l'intelligence artificielle qui prend des décisions. Donc on va dans ce monde-là et tout est réuni aujourd'hui pour que ça se développe fortement. Oh ! J'ai l'impression d'être un chat. Ou miaou. Se met en place une sorte de nouveau contrat social, en fait, entre les calculateurs et les individus, qui est hyper ambivalent, qui est, on pourrait dire, néolibéral, dans sa formule, c'est que, d'une certaine manière, la nouvelle maxime ou le nouveau contrat que proposent les GAFA aux internautes, c'est de leur dire « Oui, autrefois, je mettais un projet dans l'algorithme. » Dominique Cardon. Et par un projet, j'entends, Facebook disait « Je vais te montrer dans ton newsfeed les informations de ceux avec lesquels tu as le plus interagi. » Et donc, mon projet, c'est d'encourager les relations d'amitié les plus fortes. C'est toujours un peu ça qu'il fait. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes d'apprentissage, il peut dire, ok, je dis que c'est ça le programme, mais je vais ajouter quelque chose d'autre, qui est que je vais enregistrer les traces de ton comportement, toi utilisateur. Et les traces de ton comportement vont me permettre de décider et d'arbitrer entre les dizaines de milliers de modèles que j'ai fabriqués. Donc d'une certaine manière, l'utilisateur est responsable de l'objectif qui a été donné à la technique d'apprentissage pour fabriquer son modèle. Google va dire, je sais te classer l'information, j'ai une technique très sophistiquée pour le faire, mais je vais regarder si tu as cliqué sur le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième lien. Et je vais utiliser cette information pour transformer le modèle qui va me permettre de calculer la manière dont je produis un classement d'informations pour toi. Donc on a un dispositif dans lequel le modèle et l'utilisateur se fabrique mutuellement, puisque l'information du comportement de l'utilisateur sert à redéfinir les paramètres du modèle. Donc c'est cette boucle-là qui est en train de se mettre en place dans les nouveaux calculs. La société des catégories du 19e siècle, la statistique sociale, de l'État-nation, de l'INSEE, on va dire, elle produisait des classements où c'était, comme on dit alors en anglais, en français, ça serait le même classement pour tous. Et donc on est bien soumis au même classement pour tous. Tout le monde peut comprendre les catégories dans lesquelles nous avons été classés. Là, l'idée de ces nouvelles techniques de calcul, c'est pas du tout de produire un classement commun qui fasse société. C'est qu'en fait, chacun a son propre classement. Mais on pourrait dire que c'est leur horizon politique, c'est cette visée d'une individuation du calcul et donc du classement qui est produit pour les individus. Tout ce que j'ai décrit sur les algorithmes, là, ils prennent un sens tout à fait spécifique quand on parle de l'information. Parce que l'information, c'est justement ce qui nous réunit dans une société, qui forme un espace public dans lequel nous pouvons discuter ensemble des enjeux de l'espace public dont nous partageons ensemble l'idée qu'ils sont importants ou pas importants. Et donc, quand on parle de l'information, il est utile, nécessaire d'avoir au moins en partie le même classement de l'information. On n'a plus le journal de 20 heures. Le journal de 20 heures qui définit pour tout le monde le même classement de l'information, priorité, et qui nous donne une structure commune de l'information. Mais même si on a sans doute besoin de personnaliser en fonction des profils des individus l'information, il est évident qu'on a besoin d'avoir un espace commun qui soit classé, et à mon avis de préférence par des journalistes plutôt que par des algorithmes, pour nous désigner en commun le fait que nous formons une société d'individus, de sujets, de nationaux en train de débattre des mêmes sujets. Donc il y a cet arbitrage très compliqué à faire entre le fait qu'on va vers la personnalisation, mais qu'en même temps on a besoin d'une structure commune. On est dans un monde bizarre là, parce que nos sociétés là sont massivement en train de se laisser enregistrer. Massivement. Et à la fois sans réellement se rendre compte de ce qui se passe, et en même temps en mettant en place, et c'est ça qui me semble très dangereux, une sorte de d'idée qui est « après tout, j'ai rien à cacher hein ». Et donc on voit que se met en place un double dispositif qui est que ça rend un service utile, et comme j'ai rien à cacher, c'est pas très grave. Alors, il est vrai que c'est moins grave que ne le disent ceux qui fantasment des théories de la conspiration, du gouvernement global, du centre omniscient qui voit tout. 1984 est pour ça une assez mauvaise métaphore. C'est qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est plein de centres différents avec des données complètement pourries et souvent des algorithmes qui marchent pas très bien. Mais ça reste quand même très très problématique parce que ces centres à données très pourries, d'abord il y a un marché noir de la donnée. Alors là, je dis pour le marketing, la publicité, etc., dans lequel on s'échange des fichiers de données, on les recoupe entre différents services. C'est mal connu, les entreprises qui font ça, personne ne les connaît, Axiom, enfin ces entreprises-là, elles sont derrière tous les nouveaux systèmes de marketing qui se mettent en place. Et ça se paie au prix d'une accumulation de données sur les individus qui est extrêmement forte et problématique. Et donc, même si je peux ne rien avoir le sentiment, d'abord c'est faux, tout le monde a quelque chose à cacher, mais enfin, même si je peux avoir le sentiment que je n'ai rien à cacher, j'ai besoin de vivre dans une société dans laquelle des gens cachent des choses. Je vous parle en direct du ministère de l'Information. Je suis en compagnie du vice-ministre, Monsieur Eugène Heldman. Bonsoir, cher ami. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique à votre avis la soudaine aggravation des attentats terroristes? Un manque évident de fair play. Ces gens sont incapables, hélas, d'avouer leur défaite. S'ils acceptaient de jouer franc jeu, eh bien, leur vie serait tellement plus joyeuse. Cela dit, Monsieur Heldman, on affirme dans beaucoup de milieux que les services d'information sont devenus pléthoriques et trop envahissants. Mon cher, dans une société de liberté, c'est l'information qui mène le jeu. Une équipe ne peut gagner s'il lui manque un seul homme. C'est pourquoi nous préconisons que les frais de recoupement des informations soient à la charge des délinquants. Il n'est pas question que les citoyens respectueux de la loi subventionnent les criminels. Regardez la situation d'aujourd'hui. Jean-Marc Berlière. Ce qui angoisse le plus les gens, c'est l'insécurité. Et donc, on pense pouvoir la combattre par la connaissance des gens. Et donc, une police ou une justice sans mémoire, c'est-à-dire sans fiche, hein, et complètement démunie, si vous voulez. L'équation, on n'a jamais su la résoudre, hein, c'est entre demande de sécurité et liberté. On a eu cette tentation d'affichage universel et généralisé, par exemple dans un pays comme l'Argentine, hein, au début des années 30, on a créé le grand livre national, alors je ne sais plus combien de volumes, de in-folio, vous savez, où il y avait toute la population, photographie, identité, fiche des cas dactylaires, c'est-à-dire les 10 empreintes digitales et tout. Et vous imaginez, le problème des fichiers, c'est que à peine existent-ils qu'ils sont déjà obsolètes, puisqu'il y a des gens qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont nés, etc. Le fichier en lui-même n'est pas coupable, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Les archives nationales, bonjour. Je m'appelle Violaine Chaléafonck, je suis conservateur aux Archives nationales, en charge plus particulièrement des fonds du ministère de l'Intérieur. Nous sommes rentrés dans le magasin 313, dans lequel sont conservées toutes les boîtes qui comprennent la partie alphabétique du fichier central de la Direction de la Sûreté. Nous sommes ici dans un magasin qui est équipé en rayonnage fixe, donc vraiment des étagères qui sont scellées dans le sol, sur lesquelles sont installées plusieurs milliers de boîtes que l'on appelle des boîtes d'IMAB, hein, qui sont des boîtes d'assez grande contenance pour les services d'archives, prévues vraiment au format pour conserver des fichiers. Et à l'intérieur, on a plusieurs dizaines de fiches. Dans ces boîtes d'archives sont conservées à peu près 2,5 millions de fiches classées par ordre alphabétique. Et ce fichier, c'est le regroupement de tous les fichiers qui avaient pu être constitués par les services de police à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc tous ces fichiers ont été refondus en un seul grand fichier alphabétique à la direction de la Sûreté à partir de 1935. Je m'appelle Marion Vestière, je suis conservateur du patrimoine, responsable du département de la justice et de l'intérieur aux Archives nationales. Alors, ce fichier a été constitué par le ministère de l'Intérieur, la direction de la Sûreté générale, tout au long du 19e siècle. Il est d'un volume extraordinaire puisqu'il comporte 2,5 millions de fiches et près de 600 000 dossiers qu'on conserve aujourd'hui. En fait, il était conservé au ministère de l'Intérieur quand les Allemands sont arrivés sur Paris en juin 1940, rue des Saussiers, et il n'a pas fait l'objet d'une protection particulière du ministère de l'Intérieur comme avait pu le faire, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, qui a brûlé une partie de ses archives au ministère avant l'arrivée des Allemands. Et donc, quand les Allemands sont arrivés rue des Saussiers, ils ont embarqué cet immense fichier ainsi que les dossiers nominatifs en en laissant une petite partie au ministère de l'Intérieur que l'on conserve encore aujourd'hui. Ils les ont amenés en Allemagne où ils ont été récupérés par l'armée russe en 1945 qui les a ensuite apportés en Russie où ils sont restés pendant de longues années occultés. Et en fait, ce sont des historiens français qui, à la faveur de recherches, ont eu l'occasion de découvrir cet immense fossiles archivistiques en Russie. Des négociations diplomatiques ont été entamées dans les années 90 et ont abouti à deux restitutions, une en 1994 et une autre en 2000, où le fonds est arrivé progressivement sur le site de Fontainebleau des Archives nationales, où il a pu être travaillé par des historiens et surtout ouvert à la communication aux citoyens. Alors ce fichier, c'est ce qu'on appelle un fossile archivistique parce que le fichier est resté dans son état tel qu'il avait été constitué par la direction de la Sûreté générale. Les Allemands l'ont finalement assez peu exploité et lorsqu'il est arrivé en Russie, en revanche, il y a eu un travail assez important mené par les Russes, mais qui constituait plus en l'exploitation de ce fichier pour des besoins de renseignement par les services, par exemple, du KGB ou du MPD. Et donc, les Russes ont essentiellement travaillé à la description et l'identification de ces archives. Donc, il y a eu assez peu de reclassements par les Russes. Et donc, là, pour le coup, les archives sont restituées telles qu'elles étaient constituées entre 1880 et 1940. Alors, dans le domaine de la police, par fichier, on entend vraiment ce double ensemble, c'est-à-dire les fiches alphabétiques, les petites fiches cartonnées qu'on peut se représenter parce qu'on les connaît dans des anciens fichiers de bibliothèque, donc vraiment des fiches qui vont servir à repérer plus facilement et à localiser plus facilement un dossier. Et cette utilisation du fichier comme un outil de travail et un outil d'amélioration de la recherche de l'information, c'est vraiment une réflexion qui se fait jour au XIXe siècle, avec la nécessité de savoir rechercher dans un nombre croissant de dossiers, qui sont plus des dossiers constitués par des services administratifs différents, mais qui peuvent parler de la même personne. Donc l'objectif du fichier alphabétique, c'est vraiment de pouvoir retrouver les informations concernant une personne très rapidement. On a vraiment la mise en place d'un personnel spécialisé, donc qui sont des policiers archivistes, qui vont être formés aux techniques de fichage, de classement de l'information, que l'on voit sur certaines photographies juchées sur des petits escabeaux, effectivement en blouse, en train de manipuler des tiroirs dans lesquels sont rangées les fiches. Ces policiers archivistes reçoivent quotidiennement 400 à 600 notes de renseignement qu'il faut classés dans les dossiers, qu'il faut indexer, enfin, dont il faut enregistrer les informations. Donc c'est tout ce travail-là qui est assuré par les policiers archivistes pour pouvoir être efficaces. Toute l'histoire contemporaine de la France au XXe siècle est susceptible de croiser à un moment le fichier central et de nous conduire à l'utiliser. L'une des grandes innovations technologiques a été de remplacer ce qui existait donc par exemple depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire la recension de toutes les condamnations prononcées en justice. Vous imaginez, ça représente des centaines et des centaines et des centaines de livres dans lesquels on apparaît dans l'ordre des condamnations. Donc pour retrouver quelqu'un, vous imaginez un peu la difficulté. L'énorme progrès technologique qui a l'air comme ça d'une simplicité bête comme chou, hein, ça a été de substituer à ces livres un système de fiches en carton, de fiches mobiles qu'on peut classer, déclasser, etc. Et ça, c'est très tardif, hein. Ça date de 1831-1832. Hein. On parle de fichage, hein. En fait, n'oublions pas qu'à la base du fichage, il y a la fiche et que la fiche, c'est très tardif. Très tardif. Pour que le fichage soit utile, il faut qu'il soit le plus complet possible. Et donc, il y ait le maximum de gens dans ces fichiers. On a plus de 2000 boîtes hein, dans le fichier. On a 2071 boîtes. Donc, dans une même boîte, on va avoir là une fiche avec une photographie d'identité au verso. Là, une fiche qui porte la mention « Recherchée », une autre qui est indiquée « Police des jeux », des fiches d'expulsion, mais aussi de dossiers de police judiciaire. Après, en fait, selon là, on est sur des fiches de demande de carte d'identité. Et donc, on a des fiches assez complètes avec la date et le lieu de naissance, le nom des parents, la profession, la nationalité, les renseignements sur le conjoint et la famille, la localité de résidence, une photographie d'identité au verso et le numéro de la carte d'identité qui a été délivrée, sa date de validité, la préfecture qui a délivré la carte d'identité et puis les pièces d'identité fournies pour délivrer cette pièce d'identité et une signature de la personne. Les photos, on les trouve essentiellement sur les cartes des étrangers. Les cartes, les fiches de cartes d'identité d'étrangers. Mmh. Ce sont des fiches alphabétiques que quand les lecteurs les consultent, en général, elles provoquent beaucoup d'émotions parce qu'on a des photographies des personnes qui ont fait la démarche de demander une carte d'identité ou un passeport. Donc une photographie qui date voilà, de l'entre-deux-guerres pour parfois en plus des populations qui ont ensuite eu un destin assez tragique dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, la présence des photographies suscite toujours beaucoup de réactions. On a juste la date de naissance, encore des cartes d'identité, donc avec les photographies. Si on parcourt la suite des fiches, voilà, on trouve une fiche de contre-espionnage. Donc un lieutenant de réserve au 6e Dragon en relation avec le nommé Boulot Paul, qui peut-être lui est suspecté de contre-espionnage. Donc voilà, on a un numéro de dossier, 17069 CE pour contre-espionnage. C'est une fiche qui date de 1929. Un fichier n'est jamais une arme absolue, hein, bien sûr, contre qui que ce soit. Mais ça suffit, bien sûr, pour faire peur et pour inquiéter tout un tas de gens. Jean-Marc Berlière, professeur émérite d'histoire contemporaine. Qui imagine toujours une utilisation malsaine, maligne des fichiers. Et ça, c'est sûr que l'histoire de France n'est pas avare de périodes où justement il y a eu des utilisations malsaines, voire criminelles, hein, de fichiers. C'est le fichier juif créé par la préfecture de police à partir du recensement d'octobre 1940. Alors je crois qu'il est nécessaire de rappeler quand même un tout petit peu les circonstances. En France, il n'a jamais existé, et il n'existe toujours pas évidemment, de fichiers et de données ethniques, religieuses ou autres. Aujourd'hui, on ignore combien en France il y a de musulmans, de protestants, etc. Parce que on n'entre jamais dans ce genre de considération. Nous sommes dans une république laïque, etc., etc., etc. Alors donc, quand les Allemands occupent 55% du territoire, hein, à la suite de l'armistice du mois de juin 1940. Ils sont porteurs, bien sûr, tout le monde le sait, d'une phobie antisémite, hein, qui n'est pas encore judéocide, qui va le devenir, mais donc dans les pays qu'ils occupent, ils s'intéressent aux Juifs. Et donc, ils aimeraient bien savoir qui est juif, ce qu'on ne sait pas. Donc, ils exigent dès le fin septembre, hein, qu'en octobre, il y ait un recensement des Juifs. Alors ce recensement, Il va être fait, et c'est pas innocent, hein, par la préfecture de police dans la région parisienne. Et donc, tout le mois d'octobre, les Juifs doivent aller se présenter et se déclarer comme tels. Le chef de famille, en général, hein, va déclarer toute sa famille dans les commissariats pendant tout le mois d'octobre. Alors, ils sont allés massivement se déclarer, les gens. Ce sont de bons citoyens, ils sont en règle, ils n'imaginent pas ne pas aller se faire recenser. Donc un peu plus de 100 000 personnes sont allées se déclarer dans la région parisienne. On va transformer ce recensement en fiche, c'est-à-dire qu'on va le traduire en fiche. Alors, quatre fiches de quatre couleurs différentes, dans quatre pièces différentes, hein, du deuxième étage de la préfecture de police, escalier E. Et les gens ici se retrouvent classés par leur nom, leur patronyme, par leur adresse, par leur profession, par leur nationalité. Et donc, ce qui fait que si vous cherchez un juif grec, tailleur, habitant rue de la Folie-Méricourt dans le 11e arrondissement, vous le trouvez par ces quatre entrées. Alors voilà, le fichier existe. Le seul problème, c'est que va-t-on faire de ce fichier? Et c'est là que le drame, évidemment, devient extrêmement difficile, hein, douloureux, c'est que ce fichier va donc servir, à partir du moment où les Allemands, les nazis, vont mettre en place ce qu'ils appellent, ce qu'ils euphémisent sous le nom de solution finale de la question juive, à partir du moment où ils mettent en place cette, c'est en fait le génocide, hein, en Europe de l'Ouest, Belgique, Pays-Bas, France, le fichier va servir à désigner les victimes. Mais donc, cette utilisation systématique et récurrente du fichier fait que, dès lors, j'allais dire dans notre ADN, nous Français, on ne peut pas penser fichier sans, même sans connaissance historique, sans que ça renvoie à un précédent terrible, évidemment, qu'est ce fichier juif et son utilisation. Violaine Chaléa-Fonck, conservatrice aux Archives nationales. La recherche dans ce fichier, elle est toujours assez émouvante. Parce qu'en plus, on voit bien que derrière chaque fiche, en fait, on a des personnes. On a des histoires. On a des histoires qui vont avoir des issues tout à fait ordinaires ou des issues un petit peu plus dramatiques. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un contact émouvant. Et puis, c'est vrai que c'est une recherche qui est physique, hein, parce qu'on doit manipuler un certain nombre de fiches ou de boîtes avant de trouver ce que l'on cherche. Donc on est frappé par la masse de ce fichier. En fait, la masse de ces archives, elle s'impose vraiment d'un point de vue visuel et puis avec toutes les pièces que nous sommes appelés à manipuler. Quand on travaille à partir de ce fichier alphabétique, dans un certain nombre de cas, on va ensuite pouvoir aller consulter un dossier papier bien plus fourni. Et puis dans d'autres cas, en fait, la fiche sera vraiment la seule trace d'une procédure administrative et puis la seule trace qui permet de documenter le parcours d'une personne. Parce que c'est vraiment pour ça aujourd'hui que le fichier est utilisé, c'est pour rechercher les traces de personnes qui sont passées par le territoire français entre la fin du 19e siècle et 1940. Vous vous rendez compte, des gens qui n'ont pas de sépulture, pas de pierre tombale et autres, c'est la seule trace qu'on a d'eux, c'est leur nom et l'affiche. Alors des fois, les dossiers sont extrêmement succincts, hein, il y a une page, même pas recto verso, mais sont la seule trace que l'on ait de l'existence de millions de gens. Et de ce fait, ils ont une valeur incomparable, hein, extraordinaire. Donc un dossier d'expulsé au nom de Sidney Béchette. Et comme l'indique le rapport du préfet de police, les deux Américains, Sidney Béchette et Mike McKendrin, se querellaient le 23 décembre 1928 rue Fontaine. Ils échangèrent plusieurs balles de revolver. Ils ne furent blessés ni l'un ni l'autre, mais trois passants furent atteints. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés. Et en tant qu'étranger, en fait, cette peine de prison doit être assortie d'une expulsion. Donc ce dossier documente la mise en place de la procédure d'expulsion et le suivi de cette procédure d'expulsion du territoire français. Et donc on a ici la notice individuelle recto verso avec un certain nombre d'informations qui le concernent, hein, son état civil, sa profession, où est-ce qu'il travaille. Donc il travaille dans le cabaret de nuit, dont 1,64 rue Blanche, pendant 4 mois. Et puis les motifs et dates de la condamnation, coups et blessures en mai 1929, le tribunal qui l'a prononcé. Et enfin le signalement, donc là qui rejoint ce travail de fichage anthropométrique des personnes, hein, avec la taille, les cheveux, les sourcils, la barbe, etc. et ses empreintes digitales. Donc on trouvait ça assez symbolique en tant que musicien. Voilà, ses mains étaient son outil de travail. Puis un tampon notifié qui indique que la décision d'expulsion lui a été notifiée et donc elle a été exécutée en octobre 1929. C'était Tous fichés. Merci à Arnaud Laroche, Mocrade Lamarie, Dominique Cardon, Jean-Marc Berlière, Marion Vessière et Violaine Chaléa-Fonck. Prise de son, Michel Gassic et Sandrine Malon. Mixage, Claude Nior. Réalisation, Doria Zénine. Un documentaire de Laetitia Druard. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez un disque dur plus gros, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster sur les réseaux sociaux ou nous réécouter en cachette, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, les archives de l'intime. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.